Section 1 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Il s'agit d'un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour faire du bénévolat, veuillez visiter LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. Mémoire d'outre-tombe, volume 3, par François-René de Chateaubriand. Troisième partie. Carrière politique, 1814-1830. Livre premier. De Bonaparte. Bonaparte, sa famille. Branche particulière des Bonaparte de la Corse. Naissance et enfance de Bonaparte. La Corse de Bonaparte. Paoli. De pamphlets. Brevet de capitaine. Toulon. Journée de Vendémiaire. Suite. Campagne d'Italie. Congrès de Rastade. Retour de Napoléon en France. Napoléon est nommé chef de l'armée dite d'Angleterre. Il part pour l'expédition d'Égypte. Expédition d'Égypte. Malte. Bataille des pyramides. Le Caire. Napoléon dans la Grande Pyramide. Suez. Opinion de l'armée. Campagne de Syrie. Retour en Égypte. Conquête de la Haute-Égypte. Bataille d'Aboukir. Billets et lettres de Napoléon. Il repasse en France. 18 Brumaire. Deuxième coalition. Position de la France au retour de Bonaparte de la campagne d'Égypte. Consulat. Deuxième campagne d'Italie. Victoire de Marengo. Victoire de Hohenlinden. Paix de Lunéville. Paix d'Amiens. Rupture du traité. Bonaparte élevé à l'Empire. Empire. Sacre. Royaume d'Italie. Invasion de l'Allemagne. Austerlitz. Traité de paix de Presbourg. Le Sanhédrin. Quatrième coalition. Campagne de Prusse. Décret de Berlin. Guerre en Pologne contre la Russie. Tilsit. Projet de partage du monde entre Napoléon et Alexandre. Paix. Guerre d'Espagne. Erfurt. Apparition de Wellington. Pie VII. Réunion des États romains à la France. Protestation du souverain pontife. Il est enlevé de Rome. Cinquième coalition. Prise de Vienne. Bataille d'Essling. Bataille de Wagram. Paix signée dans le palais de l'empereur d'Autriche. Divorce. Napoléon épouse Marie-Louise. Naissance du roi de Rome. La jeunesse est une chose charmante. Elles partent au commencement de la vie couronnée de fleurs, comme la flotte athénienne, pour aller conquérir la Sicile et les délicieuses campagnes d'Enna. La prière est dite à haute voix par le prêtre de Neptune. Les libations sont faites avec des coupes d'or. La foule, bordant la mer, unit ses invocations à celles du pilote. Le paéan est chanté, tandis que la voile se déploie aux rayons et au souffle de l'aurore. Alcibiade, vêtu de pourpre et beau comme l'amour, se fait remarquer sur les trirèmes, fier des sept chars qu'il a lancés dans la carrière d'Olympie. Mais à peine l'île d'Alcinous est-elle passée, l'illusion s'évanouit. Alcibiade, banni, va vieillir loin de sa patrie et mourir percé de flèches sur le sein de Timandra. Les compagnons de ses premières espérances, esclaves à Syracuse, n'ont pour alléger le poids de leur chaîne que quelques vers d'Euripide. Vous avez vu ma jeunesse quitter le rivage. Elle n'avait pas la beauté du pupille de Périclès, élevé sur les genoux d'Aspasie, mais elle en avait les heures matineuses, et des désirs et des songes, Dieu sait. Je vous les ai peints, ces songes. Aujourd'hui, retournant à la terre après maint exil, je n'ai plus à vous raconter que des vérités tristes comme mon âge. Si parfois je fais entendre encore les accords de la lyre, ce sont les dernières harmonies du poète qui cherche à se guérir de la blessure des flèches du temps ou à se consoler de la servitude des années. Vous savez la mutabilité de ma vie dans mon état de voyageur et soldat. Vous connaissez mon existence littéraire depuis 1800 jusqu'à 1813, année où vous m'avez laissé à la vallée aux loups qui m'appartenait encore lorsque ma carrière politique s'ouvrit. Nous entrons présentement dans cette carrière. Avant d'y pénétrer, Force m'est de revenir sur les faits généraux que j'ai sautés en ne m'occupant que de mes travaux et de mes propres aventures. Ces faits sont de la façon de Napoléon. Passons donc à lui. Parlons du vaste édifice qui se construisait en dehors de mes songes. Je deviens maintenant historien sans cesser d'être écrivain de mémoire. Un intérêt public va soutenir mes confidences privées. Mes petits récits se grouperont autour de ma narration. Lorsque la guerre de la Révolution éclata, les rois ne la comprirent point. Ils virent une révolte où ils auraient dû voir le changement des nations, la fin et le commencement d'un monde. Ils se flattèrent qu'il ne s'agissait pour eux que d'agrandir leurs états de quelques provinces arrachées à la France. Ils croyaient à l'ancienne tactique militaire, aux anciens traités diplomatiques, aux négociations des cabinets. Et des conscrits allaient chasser les grenadiers de Frédéric. Des monarques allaient venir solliciter la paix dans les antichambres de quelques démagogues obscurs, et la terrible opinion révolutionnaire allait dénouer sur les échafauds les intrigues de la vieille Europe. Cette vieille Europe pensait ne combattre que la France. Elle ne s'apercevait pas qu'un siècle nouveau marchait sur elle. Bonaparte, dans le cours de ses succès, toujours croissants, semblait appelé à changer les dynasties royales, à rendre la sienne la plus âgée de toutes. Il avait fait roi les électeurs de Bavière, de Württemberg et de Saxe. Il avait donné la couronne de Naples à Murat, celle d'Espagne à Joseph, celle de Hollande à Louis, celle de Westphalie à Jérôme. Sa sœur, Elisa Biaccioki, était princesse de Luc. Il était, pour son propre compte, empereur des Français, roi d'Italie, dans lequel royaume se trouvait compris Venise, la Toscane, Parme et Plaisance. Le Piémont était réuni à la France. Il avait consenti à laisser régner en Suède un de ses capitaines, Bernadotte. Par le traité de la Confédération du Rhin, il exerçait les droits de la maison d'Autriche sur l'Allemagne. Il s'était déclaré médiateur de la Confédération helvétique. Il avait jeté bas la Prusse. Sans posséder une barque, il avait déclaré les îles britanniques en état de blocus. L'Angleterre, malgré ses flottes, fut au moment de n'avoir pas un port en Europe pour y décharger un ballot de marchandises ou pour y mettre une lettre à la poste. Les états du pape faisaient partie de l'Empire français. Le Tibre était un département de la France. On voyait dans les rues de Paris des cardinaux demi-prisonniers qui, passant la tête à la portière de leur fiacre, demandaient « Est-ce ici que demeure le roi de ?»« Non, » répondait le commissionnaire interrogé, « c'est plus haut. » L'Autriche ne s'était rachetée qu'en livrant sa fille. Le chevaucheur du Midi réclama Honoria de Valentinien avec la moitié des provinces de l'Empire. Comment s'étaient opérés ces miracles? Quelles qualités possédait l'homme qui les enfanta? Quelles qualités lui manquèrent pour les achever? Je vais suivre l'immense fortune de Bonaparte qui, nonobstant, a passé si vite que ses jours occupent une courte période du temps renfermée dans ses mémoires. De fastidieuses productions de généalogie, de froides disquisitions sur les faits, d'insipides vérifications de dates, sont les charges et les servitudes de l'écrivain. Le premier Buonaparte, Bonaparte, dont il soit fait mention dans les annales modernes, est Jacques Buonaparte, lequel, augure du conquérant futur, nous a laissé l'histoire du sac de Rome, en 1527, dont il avait été témoin oculaire. Napoléon-Louis Bonaparte, fils aîné de la duchesse de Saint-Leu, mort après l'insurrection de la Romagne, a traduit en français ce document curieux. À la tête de la traduction, il a placé une généalogie des Buonaparte. Le traducteur dit qu'il se contentera de remplir les lacunes de la préface de l'éditeur de Cologne en publiant sur la famille Bonaparte des détails authentiques. Lambeau d'histoire, dit-il, presque entièrement oublié, mais au moins intéressant pour ceux qui aiment à retrouver dans les annales des temps passés l'origine d'une illustration plus récente. Suit une généalogie où l'on voit un chevalier nordique, Buonaparte, lequel, le 2 avril 1266, cautionna le prince Conradin de Souabe, celui-là même à qui le duc d'Anjou fit trancher la tête, pour la valeur des droits de douane des effets dudit prince. Vers l'an 1255 commencèrent les proscriptions des familles trévisanes. une branche des Buonaparte alla s'établir en Toscane, où on les rencontre dans les hautes places de l'État. Louis-Marie Fortuné Buonaparte, de la branche établie à Sarzane, passa en Corse en 1612, se fixa à Ajaccio et devint le chef de la branche des Bonaparte de Corse. Les Bonaparte portent de gueules à deux barres d'or, accompagnées de deux étoiles. Il y a une autre généalogie que M. Pankouk a placée à la tête du recueil des écrits de Bonaparte. Elle diffère en plusieurs points de celle qu'a donnée Napoléon Louis. D'un autre côté, Madame d'Abrantès veut que Bonaparte soit un Comnène, alléguant que le nom de Bonaparte est la traduction littérale du grec Kaloméros, surnom des Comnènes. Napoléon Louis croit devoir terminer sa généalogie par ces paroles « J'ai omis beaucoup de détails, car les titres de noblesse ne sont un objet de curiosité que pour un petit nombre de personnes, et d'ailleurs la famille Bonaparte n'en retirerait aucun lustre. Qui sert bien à son pays n'a pas besoin d'aïeux. » Nonobstant ce vers philosophique, la généalogie subsiste. Napoléon Louis veut bien faire à son siècle la concession d'un apophthegme démocratique sans que cela tire à conséquence. Tout ceci est singulier. Jacques Buonaparte, historien du sac de Rome et de la détention du pape Clément VII par les soldats du connétable de Bourbon, est du même sang que Napoléon Buonaparte, destructeur de tant de villes, maître de Rome changé en préfecture, roi d'Italie, dominateur de la couronne des Bourbons et geôlier de Pie VII, après avoir été sacré empereur des Français par la main de ce pontife. Le traducteur de l'ouvrage de Jacques Buonaparte est Napoléon-Louis Buonaparte, neveu de Napoléon et fils du roi de Hollande, frère de Napoléon. Et ce jeune homme vient de mourir dans la dernière insurrection de la Romagne, à quelque distance des deux villes où la mère et la veuve de Napoléon sont exilées, au moment où les Bourbons tombent du trône pour la troisième fois. Comme il aurait été assez difficile de faire de Napoléon le fils de Jupiter Amon par le serpent aimé d'Olympias, ou le petit-fils de Vénus par Anchise, de savants affranchis trouvèrent une autre merveille à leur usage. Ils démontrèrent à l'empereur qu'il descendait en ligne directe du masque de fer. Le gouverneur des îles Sainte-Marguerite se nommait Bompard. Il avait une fille. Le masque de fer, frère jumeau de Louis XIV, devint amoureux de la fille de son geôlier et l'épousa secrètement, de l'aveu même de la cour. Les enfants qui naquirent de cette union furent clandestinement portés en Corse sous le nom de leur mère. Les Bompas se transformèrent en Bonaparte par la différence du langage. Ainsi, le masque de fer serait devenu le mystérieux aïeul à face de bronze du grand homme rattaché de la sorte au grand roi. La branche des Franchini Bonaparte porte sur son écu trois fleurs de lys d'or. Napoléon souriait d'un air d'incrédulité à cette généalogie, mais il souriait. C'était toujours un royaume revendiqué au profit de sa famille. Napoléon affectait une indifférence qu'il n'avait pas, car il avait lui-même fait venir sa généalogie de Toscane, bourrienne. Précisément parce que la divinité de la naissance manque à Bonaparte, cette naissance est merveilleuse. « Je voyais, dit Démosthène, ce Philippe contre qui nous combattions pour la liberté de la Grèce et le salut de ses républiques, l'œil crevé, l'épaule brisée, la main affaiblie, la cuisse retirée, offrir avec une fermeté inaltérable tous ses membres au coup du sort, satisfait de vivre pour l'honneur et de se couronner des palmes de la victoire. Or Philippe était père d'Alexandre. Alexandre était donc fils de roi, et d'un roi digne de l'être. Par ce double fait, il commanda l'obéissance. Alexandre, né sur le trône, n'eut pas, comme Bonaparte, une petite vie à traverser afin d'arriver à une grande vie. Alexandre n'offre pas la disparate de deux carrières. Son précepteur est Aristote. Dompter Bucéphale est un des passe-temps de son enfance. Napoléon, pour s'instruire, n'a qu'un maître vulgaire. Des coursiers ne sont point à sa disposition. Il est le moins riche de ses compagnons d'études. Ce sous-lieutenant d'artillerie, sans serviteur, va tout à l'heure obliger l'Europe à le reconnaître. Ce petit caporal mandera dans ses antichambres les plus grands souverains de l'Europe. Ils ne sont pas venus, nos deux rois, qu'on leur dit qu'ils se font trop attendre et qu'Attila s'ennuie. Napoléon, qui s'écriait avec tant de sens « Oh, si j'étais mon petit-fils !» ne trouvait point le pouvoir dans sa famille. Il le créa. Quelles facultés diverses cette création ne suppose-t-elle pas ? Veut-on que Napoléon n'ait été que le metteur en œuvre de l'intelligence sociale répandue autour de lui ? Intelligence que des événements inouïs, des périls extraordinaires avaient développée. Cette supposition admise, il n'en serait pas moins étonnant. En effet, que serait-ce qu'un homme capable de diriger et de s'approprier tant de supériorités étrangères ? Toutefois, si Napoléon n'était pas né prince, il était, selon l'ancienne expression, fils de famille. M. de Marbeuf, gouverneur de l'île de Corse, fit entrer Napoléon dans un collège près d'Autun. Il fut admis ensuite à l'école militaire de Brienne. Elisa, Madame Biacciocchi, reçut son éducation à Saint-Cyr. Bonaparte réclama sa sœur quand la Révolution brisa les portes de ses retraites religieuses. Ainsi l'on trouve une sœur de Napoléon pour dernière élève d'une institution dont Louis XIV avait entendu les premières jeunes filles chanter les chœurs de Racine. L'épreuve de noblesse exigée pour l'admission de Napoléon à une école militaire furent faites. Elles contiennent l'extrait baptistère de Charles Bonaparte, père de Napoléon, duquel Charles on remonte à François, dixième ascendant. Un certificat des nobles principaux de la ville d'Ajaccio prouvant que la famille Bonaparte a toujours été au nombre des plus anciennes et des plus nobles. Un acte de reconnaissance de la famille Bonaparte de Toscane, jouissant du patriciat et déclarant que son origine est commune avec la famille Bonaparte de Corse, etc., etc. Lors de l'entrée de Bonaparte à Trévise, dit M. de Las Cases, on lui annonça que sa famille y avait été puissante. À Bologne, qu'elle y avait été inscrite sur le livre d'or. À l'entrevue de Dresde, l'empereur François apprit à l'empereur Napoléon que sa famille avait été souveraine à Trévise et qu'il s'en était fait représenter les documents. Il ajouta qu'il était sans prix d'avoir été souverain et qu'il fallait le dire à Marie-Louise, à qui cela ferait grand plaisir. Né d'une race de gentilshommes, laquelle avait des alliances avec les Orsini, les Lomelli, les Médicis, Napoléon, violenté par la Révolution, ne fut démocrate qu'un moment. C'est ce qui ressort de tout ce qu'il dit et écrit. Dominé par son rang, ses penchants étaient aristocratiques. Pascal Paoli ne fut point le parrain de Napoléon, comme on l'a dit. Ce fut l'obscur Laurent Giubega de Calvi. On apprend cette particularité du registre de baptême tenu à Ajaccio par l'économe, le prêtre Diamante. J'ai peur de compromettre Napoléon en le replaçant à son rang dans l'aristocratie. Cromwell, dans son discours prononcé au Parlement le 12 septembre 1654, déclare être né gentilhomme. Mirabeau, Lafayette, De Seix et cent autres partisans de la Révolution étaient nobles aussi. Les Anglais ont prétendu que le prénom de l'empereur était Nicolas, d'où en dérision il disait Nick. Ce beau nom de Napoléon venait à l'empereur d'un de ses oncles qui maria sa fille avec un ornano. Saint Napoléon est un martyr grec. D'après les commentateurs de Dante, le comte Orso était fils de Napoléon de Cerbadja. Personne autrefois, en lisant l'histoire, n'était arrêté par ce nom, comporté plusieurs cardinaux. Il frappe aujourd'hui. La gloire d'un homme ne remonte pas, elle descend. Le Nil, à sa source, n'est connu que de quelques Éthiopiens. À son embouchure, de quel peuple est-il ignoré ? Il reste constaté que le vrai nom de Bonaparte est Buonaparte. Il l'a signé lui-même de la sorte dans toute sa campagne d'Italie et jusqu'à l'âge de 33 ans. Il le francisa ensuite et ne signa plus que Bonaparte. Je lui laisse le nom qu'il s'est donné et qu'il a gravé au pied de son indestructible statue. Bonaparte s'est-il rajeuni d'un an afin de se trouver français, c'est-à-dire afin que sa naissance ne précédât pas la date de la réunion de la Corse à la France. Cette question est traitée à fond, d'une manière courte mais substantielle, par M. Eckhart. On peut lire sa brochure. Il en résulte que Bonaparte est né le 5 février 1768 et non pas le 15 août 1769, malgré l'assertion positive de M. Bourrienne. C'est pourquoi le Sénat conservateur, dans sa proclamation du 3 avril 1814, traite Napoléon d'étranger. L'acte de célébration du mariage de Bonaparte avec Marie-Joseph Rose de Tacher, inscrit au registre de l'état civil du 2e arrondissement de Paris, 19 Ventose an 4, 9 mars 1796, porte que Napoléon Buonaparte naquit à Ajaccio le 5 février 1768 et que son acte de naissance, visé par l'officier civil, constate cette date. Cette date s'accorde parfaitement avec ce qui est dit dans l'acte de mariage que l'époux est âgé de 28 ans. L'acte de naissance de Napoléon, présenté à la mairie du 2e arrondissement lors de la célébration de son mariage avec Joséphine, fut retiré par un des aides-de-camp de l'empereur au commencement de 1810, lorsqu'on procédait à l'annulation du mariage de Napoléon avec Joséphine. M. Duclos, n'osant résister à l'ordre impérial, écrivit au moment même sur une des pièces de la liasse Bonaparte « Son acte de naissance lui a été remis, ne pouvant à l'instant de sa demande lui en délivrer copie. » La date de la naissance de Joséphine est altérée dans l'acte de mariage, grattée et surchargée, quoiqu'on en découvre à la loupe les premiers linéaments. L'impératrice s'est ôté 4 ans. Les plaisanteries qu'on faisait sur ce sujet au château des Tuileries et à Sainte-Hélène sont mauvaises et ingrates. L'acte de naissance de Bonaparte, enlevé par l'aide-de-camp en 1810, a disparu. Toutes les recherches pour le découvrir ont été infructueuses. Ce sont là des faits irréfragables, et aussi je pense, d'après ces faits, que Napoléon est né à Ajaccio le 5 février 1768. Cependant, je ne dissimule pas les embarras historiques qui se présentent à l'adoption de cette date. Joseph, frère aîné de Bonaparte, est né le 5 janvier 1768. Son frère cadet, Napoléon, ne peut être né la même année, à moins que la date de la naissance de Joseph ne soit pareillement altérée. Cela est supposable, car tous les actes de l'état civil de Napoléon et de Joséphine sont soupçonnés d'être des faux. Nonobstant une juste suspicion de fraude, le comte de Beaumont, sous-préfet de Calvi, dans ses observations sur la Corse, affirme que le registre de l'état civil d'Ajaccio marque la naissance de Napoléon au 15 août 1769. Enfin, les papiers que m'avait prêtés M. Libri démontraient que Bonaparte lui-même se regardait comme étant né le 15 août 1769, à une époque où il ne pouvait avoir aucune raison pour désirer se rajeunir. Mais reste toujours la date officielle des pièces de son premier mariage et la suppression de son acte de naissance. Quoi qu'il en soit, Bonaparte ne gagnerait rien à cette transposition de vie. Si vous fixez sa nativité au 15 août 1769, force est de reporter sa conception vers le 15 novembre 1768. Or, la Corse n'a été cédée à la France que par le traité du 15 mai 1769. Les dernières soumissions des Pièves, cantons de la Corse, ne se sont même effectuées que le 14 juin 1769. D'après les calculs les plus indulgents, Napoléon ne serait encore français que de quelques heures de nuit dans le sein de sa mère. Eh bien, s'il n'a été que le citoyen d'une patrie douteuse, cela classe à part sa nature. Existence tombée d'en haut, pouvant appartenir à tous les temps et à tous les pays. Toutefois, Bonaparte a incliné vers la patrie italienne. Il détesta les Français jusqu'à l'époque où leur vaillance lui donna l'Empire. Les preuves de cette aversion abondent dans les écrits de sa jeunesse. Dans une note que Napoléon a écrite sur le suicide, on trouve ce passage. Mes compatriotes, chargés de chaînes, embrassent en tremblant la main qui les opprime. Français, non contents de nous avoir ravi tout ce que nous chérissons, vous avez encore corrompu nos mœurs. Une lettre écrite à Paoli, en Angleterre, en 1789, lettre qui a été rendue publique, commence de la sorte. Général, je naquis quand la patrie périssait. 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans des flots de sang, tel fut le spectacle odieux qui vint le premier frapper mes regards. Une autre lettre de Napoléon à M. Gubica, greffier en chef des États de la Corse, porte « Tandis que la France renaît, que deviendrons-nous, nous autres infortunés Corses, toujours vils, Continuerons-nous à baiser la main insolente qui nous opprime? Continuerons-nous à voir tous les emplois que le droit naturel nous destinait, occupés par des étrangers aussi méprisables par leurs mœurs et leur conduite que leur naissance est abjecte? Enfin, le brouillon d'une troisième lettre manuscrite de Bonaparte, touchant la reconnaissance par les Corses de l'Assemblée nationale de 1789, débute ainsi. « Messieurs, ce fut par le sang que les Français étaient parvenus à nous gouverner. Ce fut par le sang qu'ils voulurent assurer leur conquête. Le militaire, l'homme de loi, le financier se réunirent pour nous opprimer, nous mépriser et nous faire avaler à longs traits la coupe de l'ignominie. Nous avons assez longtemps souffert leur vexation, mais puisque nous n'avons pas eu le courage de nous en affranchir de nous-mêmes, oublions-les à jamais. Qu'ils redescendent dans le mépris qu'ils méritent, ou du moins qu'ils aillent briguer dans leur patrie la confiance des peuples. Certes, ils n'obtiendront jamais la nôtre. » Les préventions de Napoléon contre la mère patrie ne s'effacèrent pas entièrement. Sur le trône, il parut nous oublier. Il ne parla plus que de lui, de son empire, de ses soldats, presque jamais des Français. Cette phrase lui échappait « Vous autres, Français !» L'empereur, dans les papiers de Sainte-Hélène, raconte que sa mère, surprise par les douleurs, l'avait laissé tomber de ses entrailles sur un tapis à grand ramage, représentant les héros de l'Iliade. Il n'en serait pas moins ce qu'il est, fût-il tombé dans du chaume. Je viens de parler de papiers retrouvés. Lorsque j'étais ambassadeur à Rome, en 1828, le cardinal Fesch, en me montrant ses tableaux et ses livres, me dit avoir des manuscrits de la jeunesse de Napoléon. Il y attachait si peu d'importance qu'il me proposa de me les montrer. Je quittai Rome et je n'eus pas le temps de compulser les documents. Au décès de Madame Mère et du cardinal Fesch, divers objets de la succession ont été dispersés. Le carton qui renfermait les essais de Napoléon a été apporté à Lyon avec plusieurs autres. Il est tombé entre les mains de M. Libri. M. Libri a inséré dans la Revue des Deux Mondes du 1er mars de cette année 1842 une notice détaillée des papiers du cardinal Fesch. Il a bien voulu depuis m'envoyer le carton. J'ai profité de la communication pour accroître l'ancien texte de mes mémoires concernant Napoléon, toute réserve faite à un plus ample informé quant aux renseignements contradictoires et aux objections à survenir. Fin de la section 1.